Donc, bonjour, on est en présence de Philippe Deboux, géographe à l'Université de Lille 1, et Hervé Francard de l'Université du littoral de Côte-d'Opale, et qui viennent de faire une présentation sur les questions de vulnérabilité des zones côtières et avec une nouvelle approche, interdisciplinaire qui regroupe sociologie, géographie, économie, les économies, les politicologues, du droit, donc une étude très multidisciplinaire et qui porte sur les zones côtières une question actuellement un peu à l'avant-scène avec les changements climatiques. On sait qu'un peu partout à travers le monde, les zones côtières sont vulnérables, sont touchées par l'érosion, entre autres au Québec. Sur la côte nord, et le cas ici, c'est le cas du nord de la France. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre recherche que vous avez menée pendant 2 ans, je crois, ou 3 ans? Mm-hmm. Oui, donc c'est une recherche qui a été coordonnée par une collègue qui est maintenant professeure à l'Université de Brest, Catherine Marferec, qui a rassemblé une équipe d'enseignants chercheurs en sciences humaines et sociales, en géographie, des géographes, des économistes, des sociologues. Et on a répondu à un appel à projet de recherche du Programme national d'environnement côtier en 2002, qui a été sélectionné pour essayer de constituer un outil d'aide à la décision, un outil d'évaluation de la vulnérabilité en lien avec les questions d'érosion côtière et de pollution maritime. Cette recherche, elle a duré 2 ans. En 2002 et 2003, on l'a terminée à la fin de l'année 2004. Et ça a permis de construire un langage commun entre nos différentes disciplines autour des questions de risque et de vulnérabilité. Et ensuite, d'études de cas. Donc c'est une recherche qui avait une dimension un peu théorique autour de la mobilisation de savoir dans nos différentes disciplines sur les questions de risque, mais ensuite une application de cette dimension théorique sur des communes littorales de la Côte d'Opale en région Nord-Pas-de-Calais. Et Monsieur Flancard, comment, en tant que sociologue, vous avez été amené à cette recherche? En fait, le point de départ, c'était l'idée, enfin, ce qui nous a rassemblés tous au-delà des disciplines, c'était l'idée que la vulnérabilité des zones côtières, c'était pas qu'un problème physique, il y avait une vulnérabilité des habitants, il y avait la capacité ou pas des institutions à répondre aux défis de cette fragilité, de cette vulnérabilité. Donc, en fait, on a voulu d'entrée avoir comme dimension la perception des habitants par rapport au problème de l'érosion côtière. Donc, en fait, moi, je suis intervenu au départ en n'étant pas du tout spécialiste du littoral pour l'aspect plus technique de l'enquête par questionnaire auprès des habitants. Donc, j'étais avec une autre sociologue, Valérie Deldrève, sur cette problématique-là. Il fallait construire une enquête par questionnaire, avec un questionnaire qui soit facilement compréhensible par les personnes, pour connaître un petit peu leur façon d'appréhender ce problème, ou de ne pas l'appréhender, de ne pas s'en rendre compte, comme on a pu le constater quelquefois. L'une des originalités, en fait, de la recherche, c'était aussi de mobiliser des disciplines dans le champ des sciences humaines et sociales, hein, pour élaborer en fait un projet sur des questions qui habituellement sont dans le cœur de recherche dans les sciences des sciences de la terre, les sciences de la nature. Donc là, on a essayé de s'approprier en fait un objet de recherche qui est très débattu, qui fait l'objet de nombreuses recherches en sciences de la nature ou en sciences de la terre. Et donc mobiliser les disciplines des sciences humaines et sociales sur ces questions de vulnérabilité en intégrant justement cette dimension sociale. Et le principal problème au départ, c'était de se construire en fait un vocabulaire commun. C'est-à-dire que chaque mot n'avait pas forcément la même signification, vulnérabilité ou d'autres, ne serait-ce qu'en jeu, dans chaque discipline. Et en fait, la première étape, c'était de se constituer un vocabulaire commun, de se comprendre quand on se parlait et de faire en sorte qu'on puisse avoir, voilà, c'est ça, un langage commun. Ok, j'ai bien compris, votre recherche, enfin le programme de recherche qui a été mené pendant plusieurs années était composé de différents volets, exposition au risque, dans lequel on trouvait la question de la variation, les aléas du climat, les enjeux aussi reliés à ces variations climatiques-là pour les zones côtières, dans lesquelles il y a des géographes, des géomorphologues. C'est un premier volet. Il y avait un autre volet sur la gestion des risques, où il y avait peut-être des gens en droit, en aménagement, en sciences politiques. Et le troisième volet sur la perception des risques. Donc, ça fait une équipe très multidisciplinaire. Quelle était la raison? Ah, est-ce qu'il y a une raison autre que la raison de vouloir se trouver en scientifique et faire quelque chose d'innovant pour que ce soit multidisciplaire? Il y a une raison qui est un peu pragmatique, c'est que la majorité des appels à projets de recherche maintenant encourage en fait la condition du financement d'une recherche, c'est souvent une proposition interdisciplinaire. Essayer de construire une proposition de recherche qui réunisse différentes disciplines. Parce que les objets de recherche, les questionnements étant de plus en plus complexes, et comme la perspective, c'est finalement que le résultat de la recherche puisse être utile en termes d'appui, par exemple, à la mise en œuvre des politiques publiques. Donc la réalisation d'une recherche interdisciplinaire, ça apparaît comme quelque chose de nécessaire. C'est-à-dire que pour les problèmes d'érosion de zones côtières, en fait, dans deux zones habitées, le problème est multidimensionnel parce que ça touche des problèmes purement physiques, bien sûr. Ça touche aussi des problèmes économiques parce qu'il y a une activité économique importante dans ces zones. Ça peut être la pêche, ça peut être le tourisme, ça peut être quelquefois même l'industrie. Il y a aussi c'est des zones très attractives pour l'habitat. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a une tendance en France, en Europe, et je pense que ça va être un peu partout pareil, des habitants à aller plutôt du côté des littoraux et des côtes. Et donc, en fait, on se retrouve face à des problèmes complexes dont aucune science ne peut seule présenter un diagnostic. C'est-à-dire que c'est une expertise qui, pour qu'elle ait une véritable dimension opérationnelle et qu'elle puisse être utile, il faut que d'entrée, elle puisse voir plusieurs aspects du problème. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a aucune discipline qui est capable de traiter l'ensemble du problème. Mais dans les questions de recherche multidisciplinaire, on a toujours le problème de comment en fin de compte rejoindre les disciplines et comment vous avez fait dans le cadre de votre recherche pour rejoindre des chercheurs qui seront en fin de compte disciplinaires et les mettre ensemble, oui, avoir un langage commun, mais comment? Alors, ce qui a été une première difficulté levée, c'est qu'on se situe quand même dans le champ des sciences humaines et sociales. Hein, on est sur une interdisciplinarité dite de proximité. On ne se situe pas dans l'interdisciplinarité étendue où on essaie de créer des ponts entre les sciences entre guillemets dures et puis les sciences humaines et sociales. Donc là, on est quand même sur une finalité qui est partagée par l'ensemble des disciplines, c'est-à-dire essayer de comprendre les problèmes sociaux qui sont en relation avec ces questions de vulnérabilité à l'érosion côtière. Toutes les disciplines rassemblées dans le projet ont en commun finalement cette finalité par rapport à la recherche de la dimension sociale. Après, il y a une dimension qui est purement, je dirais, pratique et je dirais même pragmatique. Il faut avoir du plaisir à travailler ensemble. Et je pense qu'une grande partie de la réussite du travail, c'est que certains d'entre nous se connaissaient avant, et puis les personnes qui ne se connaissaient pas, on a eu quand même beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Il y a aussi le fait du respect des disciplines vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que quand il y a un géographe et un sociologue, chacun reste à la fois dans sa spécialité. C'est-à-dire que moi, je me sens d'autant plus sociologue que je travaille avec d'autres disciplines. Mais en même temps, il faut accepter qu'il y a des regards différents, que l'autre voit l'objet d'une autre façon, que ça, c'est un enrichissement, que c'est aussi un questionnement. Mais il s'agit en quelque sorte de chacun d'être le plus géographe possible, le plus sociologue possible, et en même temps, ou le plus gestionnaire, économiste, etc. Et en même temps, être capable de s'ouvrir sur la façon qu'a l'autre de voir le problème. On a aussi quelque chose qui a pu faciliter aussi le travail pratique, c'est le fait que l'on soit tous des chercheurs issus d'une même génération. Hein, on a quand même pas de trop grandes différences d'âge quand même entre nous. On n'a pas des écarts entre qu'on peut avoir dans certaines équipes de recherche. Et ça, ça a pu faciliter quand même le travail, l'absence de concurrence finalement entre nous, de hiérarchie aussi, de par notre position statutaire dans l'enseignement supérieur, qui n'existait pas entre nous. Ça, je pense que ça a facilité de rentrer d'emblée dans un échange interdisciplinaire. Ouais, mais vous avez développé un outil, je ne veux pas dire multicritère, mais quand même un outil d'aide à la décision qui devait, en fin de compte, j'imagine, de chacun de vos associés, parce qu'on devait pondérer différents enjeux. Comment vous avez réussi à pondérer ça en discussion? Oui, donc la pondération, chacun a aussi fait confiance au domaine d'expertise que chacun des membres de l'équipe avait dans sa propre discipline. Hein, on avait dans nos disciplines chacun un domaine d'expertise, donc qui nous permettait d'établir une pondération par rapport au tel problème. Voilà, c'est-à-dire que chacun avait son expertise, et en même temps, devant l'expliquer aux autres, ça, il s'appliquait une exigence plus forte, parce que, bien qu'étant expert de la question, bien qu'étant celui qui en dernier ressort allait trancher, le fait de devoir l'expliquer aux autres impliquait une exigence particulière de clarification de certains critères. Et la pondération n'était pas réalisée par un seul représentant d'une discipline. On était dans le projet au moins deux membres de l'équipe par discipline au minimum, ce qui permettait d'avoir quand même un dialogue dans chaque discipline pour se mettre d'accord sur la pondération. Donc, en fin de compte, la dernière question, et c'est plutôt la question de comment vous voyez plus loin, en fin de compte, comment passer à l'intervention, parce que là, vous avez fait un diagnostic. Mais vous avez fait une approche interdisciplinaire pour faire un diagnostic, mais comment passer après ça à l'intervention? Comment aller plus loin dans votre recherche? Oui, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est un outil de diagnostic de vulnérabilité côtière, en prenant plusieurs dimensions, à la fois la dimension physique, à la fois la dimension de gestion. Est-ce que les gestionnaires ont pris conscience des problèmes? Est-ce qui réduit la vulnérabilité? Est-ce que les habitants sont conscients? Est-ce qu'ils sont prêts à bouger et à abandonner certaines positions? Donc tout ça, ça donnait un instrument de mesure et d'expertise sur la vulnérabilité. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, ce qui est un peu le programme des années qui viennent dans d'autres recherches qu'on a entamées, c'est de construire un outil qui permette véritablement au pouvoir public de prendre des décisions éclairées, qui ait aussi une certaine gouvernance, que la décision ne soit pas une décision autoritaire, qu'elle fasse un minimum de consensus et qu'elle apparaisse, même si elle ne contente pas tout le monde, avec une certaine légitimité. Et donc c'est là qu'on va entamer un travail avec des gestionnaires, donc une science qui n'avait pas été mobilisée dans l'étape qu'on a achevée sur ce diagnostic, c'est d'essayer de faire un outil qui soit transposable d'un milieu à un autre, d'une position géographique à une autre, pour aider la décision des pouvoirs publics. Avec ces critères, c'est qu'il y ait un minimum de consensus, et aussi que la décision apparaisse au final légitime. Oui, mobiliser en fait des disciplines qui vont au-delà aussi des sciences humaines et sociales. Je pense que réintroduire soit des sciences de la nature, soit des sciences de la terre pour aller plus loin dans la qualification ou la description de l'aléa, je pense que ça peut être aussi une plus-value importante pour l'avenir. Donc passer d'une interdisciplinarité de proximité à une interdisciplinarité étendue, et aussi travailler sur les processus de concertation, justement pour travailler sur cette notion de principe de légitimité. Ça, je pense que c'est important. Est-ce que vous pensez le fait d'avoir structuré une approche interdisciplinaire qui était de l'interdisciplinarité de proximité, comme vous dites, donc très sciences humaines, et là d'approcher du monde en sciences naturelles, est-ce que vous pensez que ça va faciliter? Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les sciences naturelles, donc si on parle de la variation du climat, etc., de la modélisation, et lorsqu'ils font de l'interdisciplinarité, souvent ils peuvent prendre le dessus parce qu'ils sont souvent beaucoup plus financés. Est-ce que vous pensez le fait que vous avez soudé une équipe quelque part d'interdisciplinarité en sciences humaines, et là vous avez vers des gens de modélisation, ça va aider d'avoir une communication plus légitime ou plus égalitaire, plus... Oui, je pense qu'en fait, le fait d'arriver comme un groupe constitué, qui a un langage commun, qui a des habitudes de travail ensemble, ça fait qu'on a une force qu'on n'aurait pas eu si on était arrivés tous individuellement et s'il n'y avait pas eu ce travail préalable. C'est-à-dire que je pense que c'est effectivement quelque chose qui fait qu'on va pouvoir un peu traiter peut-être plus d'égal à égal avec d'autres sciences réputées plus dures et aussi, comme tu dis, plus financées. Ce qui renforce aussi cette idée, c'est que les acteurs locaux, donc les gestionnaires du risque, que ce soit les élus ou les techniciens, sont de plus en plus demandeurs finalement d'une aide dans la décision en raison de l'exacerbation de tous des aléas liés aux effets du changement climatique, en raison d'une nécessité d'avoir une aide pour hiérarchiser finalement les allocations d'investissement ou de subventions pour telle ou telle portion de territoire. Donc il y a un besoin finalement de plus en plus fort en fait de mise en relation de recherches qui s'intéressent aux phénomènes naturels et d'autres recherches qui permettent de prendre en compte toute la dimension sociale de ces problèmes environnementaux. Effectivement, au Canada, il y a un conseil SRSNG, le conseil de recherche en sciences naturelles et génie, qui favorise des liens des sciences naturelles vers les sciences humaines, mais souvent la science humaine est rajoutée à la fin lorsque le programme est fait. Donc si vous êtes structuré, c'est plutôt l'inverse, on est obligé de considérer ce que vous avez fait. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'en France, c'est en train de changer. Il y a des appels à projets maintenant du ministère du MEDAT, donc le ministère de l'Environnement, qui demandent presque l'inverse, c'est-à-dire une sorte d'assise sciences humaines avec des passerelles vers les sciences naturelles et sciences physiques, alors qu'effectivement, avant, c'était typiquement l'inverse, c'est-à-dire qu'on venait un peu comme la cerise sur le gâteau. Une fois que tout l'édifice sciences physiques, sciences naturelles était fait, on mettait une petite pincée de sciences sociales dessus. Et c'est de moins en moins le cas parce que je pense que les décideurs se rendent de plus en plus compte que, en fait, quelle que soit la solution qui soit choisie, si la population n'y adhère pas, ben dans le fond, c'est une mauvaise solution. Même si techniquement, même si scientifiquement, physiquement, etc., elle est la meilleure, s'il y a une résistance, elle ne vaut rien. Je vais embarquer sur cette suite-là. Une des sciences que je ne vois pas présente dans ce que vous avez fait, est-ce que je ne sais pas si on peut l'appeler une science, mais bon, il y a du monde qui l'appelle la science, c'est la science des communications, qui prend beaucoup de place avec la communication environnementale. Et là, elle est nulle part présente. On parle de perception des gens, qui est essentielle, mais c'est souvent la base pour faire après ça une communication, pour faire la sensibilisation, qui est tout un pan de recherche aussi, qui n'est pas présent ici. Est-ce volontaire? Est-ce simplement parce que vous n'aviez pas les personnes? Alors, on n'a pas de personnes typiquement sur la communication, mais par exemple, dans le questionnaire qu'on avait construit pour connaître la perception du risque, il y avait quand même déjà des choses sur la confiance que les individus mettaient en chaque acteur de gestion du risque. C'est-à-dire qu'on a pu remarquer, par exemple, que la formation, la gestion, etc., était d'autant plus regardée favorablement que l'acteur était proche géographiquement et qui n'avait pas des intérêts qui pouvaient être contradictoires. C'est-à-dire que là, par exemple, on a remarqué que quand on demandait en qui faisait confiance, Philippe peut le dire, c'était les pompiers, les acteurs locaux. Mais c'est vrai que la communication environnementale, c'est-à-dire le transfert des résultats de la recherche ou le lien entre la recherche et la population, c'est ça? La communication environnementale, oui, effectivement, ça peut être vu comme niveau médiatique, mais c'est beaucoup plus. C'est l'analyse aussi, quel est l'acteur au niveau de la communication qui est le plus important, par qui ça va passer. Il y a tout un pan de recherche à ce niveau-là, hors uniquement le média ou le journaliste. D'accord. Et donc, c'est sans cela qu'on a travaillé sur la question de la confiance, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a des acteurs qui inspiraient plus confiance, c'est-à-dire c'est aussi, si on veut faire passer l'information, si on veut convaincre, il y a certains acteurs qui vont faire mieux passer les choses que d'autres. Donc c'est ce que je disais précédemment. Mais c'est pas un champ de recherche qui... c'est pas un champ de recherche qui a, enfin, à ma connaissance... développer parce que vous aviez personne, ce que je comprends, mais peut-être que l'année prochaine, parce que je comprends bien aussi, vous avez là, c'était le projet était dans le nord de la France, mais vous avez des choses à Marseille, oui, et d'autres endroits, dans Languedoc-Roussillon. Languedoc-Roussillon aussi. Ok, donc merci beaucoup pour cette communication que vous avez entendue du Café Pèlerin à Montréal. On entend les bruits derrière sûrement, mais merci beaucoup, au revoir. Au revoir.